La première nuit spéciale Cinéma des Cahiers se poursuit sur France Culture avec Pascal Bonitzer et Thierry Jousse. Depuis le début de la nuit, nous avons entendu Jacques Doniol-Valcroze et Éric Rohmer, Jean Cocteau, Alain René, Agnès Varda, Jean Arboni et Jean-Charles Takela évoquaient André Bazin, Roberto Rossellini et François Truffaut. La suite du programme des archives s'ouvre avec un numéro du Masque et la Plume de 59, auquel participaient Charon Sol, Claude Mauriac, France Roche et Doniol-Valcroze. Charon Sol y démolit consciencieusement Vertigo et le beau Serge de Chabrol, mais à ce moment-là, on comprend bien que la cause est entendue, que les jeunes Turcs et leur nouvelle vague triomphent. D'autant que Chabrol est l'invité de cette émission et que tout cela ne semble pas vraiment l'affecter. Avec le passage à la réalisation des jeunes critiques, c'est aussi le triomphe d'une certaine cinéphilie, évoquée à l'instant par François Truffaut. Qu'est-ce que c'est que cette cinéphilie dont parle Truffaut, qui dépasse de loin le simple fait d'aimer le cinéma ? La cinéphilie a des formes, il me semble, assez variées. C'est un phénomène de groupe qui peut parfois aller assez loin dans la manière de vivre ensemble autour des films et d'avoir une espèce de collectif qui se vit d'une manière un peu hors du monde extérieur. Il me semble qu'il y a ça dans la cinéphilie. C'est sans doute pas la forme la plus noble, on va dire, ou en tout cas, mais c'est un des traits quand même, me semble-t-il, de la cinéphilie. Après, littéralement, c'est quand même l'amour du cinéma. Donc, le problème de la cinéphilie, me semble, c'est quand ça produit seulement quelque chose qui est interne à elle-même, c'est-à-dire une espèce d'amour des films, d'amour des détails, d'amour des génériques, j'en sais rien, enfin d'accumulation. Il y a un système d'accumulation dans la cinéphilie qui peut être assez mortifère et dont je pense que Truffaut était très conscient, hein, parce que il en a parlé lui-même et il y a ce côté un peu en vase clos parfois dans la cinéphilie de cette époque, mais même de toutes les époques, parce que c'est une façon de se revendiquer aussi. Aussi par rapport de trouver une identité aussi par rapport au monde extérieur. Mais après, moi, il me semble que la face la plus lumineuse, entre guillemets, de la cinéphilie, c'est plutôt quand la cinéphilie peut trouver des prolongements, dans le monde extérieur, c'est-à-dire notamment dans le fait de faire des films, mais peut-être aussi dans la possibilité de transmettre à un certain nombre de gens qui sont pas, les plus évidemment liés à ça, l'idée que le cinéma, c'est quelque chose de plus grand que simplement une industrie, un spectacle ou une accumulation de films. C'est que c'est quelque chose qui va au-delà. Et ça, pour moi, c'est la part, la plus vivante et la plus forte que la nouvelle vague quand même incarne largement. Oui, moi je crois que on sait plus très bien ce qu'a représenté ce qu'on a appelé la cinéphilie de la fin des années 50 et des années 60. C'était un rapport très cultivé au cinéma, très pointu, qui pouvait faire des différences extrêmement forte entre deux films, entre deux façons de faire le cinéma. Et c'était pas seulement l'amour du cinéma, c'était aussi la haine de certains films et de certains cinémas, comme l'article de Truffaut l'a prouvé. C'était donc en fait une différenciation très très forte, par quoi effectivement se constituait un effet de groupe, voire un effet de chapelle si on veut, qui partait d'une connaissance très très cultivée, très fine, très pointue, très exhaustive de certains cinéastes. Et ça, c'était ça. Alors aujourd'hui, cinéphilie, ça a un sens très vague, qui veut dire j'adore le cinéma, gna gna. Non, c'était pas ça. C'était quelque chose qui effectivement avait un sens très très fort. On le retrouve comme ça assez rarement aujourd'hui, mais il y a je pense qu'il doit y avoir des formes qui rappellent cette cinéphilie mais qui sont très à mon avis plus secrètes et plus minoritaires. Thierry Jousse. Oui, j'ai l'impression que la différence entre, disons, la cinéphilie des années 50-60 et même d'après, pour une part, et celle d'aujourd'hui, si elle existe encore, c'est que il y avait quand même dans tout un pan de la cinéphilie, même chez des gens qui n'ont pas fait de films, mais l'idée que quand même c'était lié à une pratique, enfin, en tout cas pour faire du cinéma, voir des films, c'était important, et réciproquement, on pourrait dire, en tout cas qu'il y avait une espèce de lien organique entre voir des films, écrire, en parler et en faire. Bon, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus coupé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de jeunes gens qui veulent faire des films, ou en tout cas qui veulent faire des images, ce qui est peut-être pas exactement la même chose, enfin en tout cas qui ont envie d'en être d'une façon ou d'une autre, et aussi des gens qui ont eu des zones de compétences extrêmement pointues sur tel et tel, bon, que Internet favorise très largement, mais peut-être pas ce lien et ce lien organique entre voir des films et en faire, ou même si on n'en fait pas encore une fois, mais quelque part c'est là quand même, il me semble être beaucoup moins présent, et du coup moi c'est ça que je vois comme en tout cas différence presque culturelle entre ces périodes-là et celles d'aujourd'hui. C'était un rapport passionné au cinéma qui se traduisait aussi quelquefois par des rigidités, par des bon, il y a eu différentes formes de cinéphilie. Il y avait par exemple le groupe dit MacMahonien, bon, qui avait les quatre as du cinéma, pour qui était Lang, Walsh, rappelle-moi les Lozay autres. Et Preminger, je crois. Ouais, c'est ça. Pour qui l'essence du cinéma se réduisait à ses, enfin, en tout cas, se concentrait dans ces quatre noms. Et qui avait une doctrine du cinéma qui était quand même assez différente de ces, plus radicale, en le sens que celle des Cahiers. Mais c'était donc un rapport à la fois passionné et cultivé. Partagez-vous la vision de Skorecki disant que la cinéphilie a vécu et est morte avec le cinéma avant même la fin des années 60? La mort du cinéma, c'est un thème qui est lui-même un petit peu mort. C'est-à-dire que c'est la mort d'un certain rapport au cinéma, peut-être, qu'il envisageait. Bon, effectivement, c'est un thème qui est peut-être daté maintenant, qui est plus lié aux années 80. On a plus de mal à le voir de manière précise. On a vu que le cinéma, malgré tout, n'était pas tout à fait mort, même si il est un peu noyé parfois. Je sais pas. Je pense que, oui, effectivement, il y a un certain type de cinéphilie qui s'est arrêté, sans doute. Je sais pas, Pascal pourra peut-être me contredire. À la fin des années 60, oui, sûrement, avec peut-être mai 68 comme basculement. Enfin, il me semble que des gens comme Serge Danet en ont parlé, mais Pascal était plus présent. Moi, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus de ça. Comme souvent d'ailleurs, quand on parle de la mort de quelque chose, c'est, enfin, en tout cas de ce genre de choses, c'est souvent la mort d'un certain rapport à, plus que la mort de l'objet en soi, on pourrait dire. Tant qu'il y a des bons films, on ne peut pas dire que le cinéma est mort. Et je pense qu'il y a encore des bons films. Quelle place le cinéma américain tenait-il dans la cinéphilie des années 50? Est-ce que ce n'était pas une manière de jouer l'Amérique contre la France? Bah, en tout cas, l'Amérique joue un rôle décisif. On a déjà répondu. On l'a dit, de fait, puisque le panthéon des auteurs est quand même très très lié. On pourrait ajouter à Hooks, Hitchcock, qu'on a déjà évoqué, on a déjà cité. On pourrait aussi parler des cinéastes d'une nouvelle génération du cinéma américain de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Ray, Robert Aldrich, Samuel Fuller, des cinéastes de cette génération-là qui viennent après l'âge classique, on pourrait dire, qui représentent une forme de modernité. De modernité, pour aller très vite, et qui a joué quand même un rôle assez important. Je pense qu'il y a un goût aussi des petits films et des films un peu B, même si c'est pas non plus pour être en permanence sur ce terrain-là, mais il y a quand même aussi ça, notamment je pense chez Truffaut, mais pas seulement. On le retrouve aussi chez des gens comme qui vont être qui vont commencer à écrire dans les années 50, mais qui sont un tout petit peu après, c'est comme Luc Moulet par exemple, qui me semble avoir été aussi dans les années 50 et un peu après, aussi le défenseur de ce type de film. Donc oui, je pense que l'Amérique a un rôle absolument décisif. Enfin, ça serait peut-être réducteur de penser que les Cahiers de l'époque ou la cinéphilie incarnée par le groupe des Cahiers ne pense qu'au cinéma américain, parce que malgré tout, il y a des cinéastes français qui trouvent grâce à leurs yeux. Il y en a peu. Hein. Il y a principalement Bresson, Renoir, Becker et Bresson dans une certaine mesure. Ophuls, quand même. Et Ophuls. Mais Ophuls est français si on veut. Oui. Mais c'est plus, moi je pense que c'est plus le, c'est plus le contexte du cinéma français de l'époque qui est en jeu que le cinéma français dans son Chabrol essence, on pourrait que, dire, si tant est qu'il existe. Il disait qu'il ne pouvait pas écrire sur le cinéma français parce qu'il ne s'y passait rien à l'époque. C'est pour ça qu'il écrivait exclusivement. C'est probablement vrai, oui, probablement. C'est le côté ronronnant de cette industrie qui a besoin d'être secouée. Bah, il faut toujours revenir à l'article de Truffaut. D'une certaine façon, que dit l'article de Truffaut ? Le cinéma français est mort, le cinéma américain est vivant. Voilà, le cinéma américain. Un certain cinéma américain. Les films de Allégret et de Delannoy sont morts, les films de Hitchcock et de Hawks sont vivants. C'est ça que c'est dit. Après, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est une tradition, malgré tout, assez établie dans les différentes générations de cinéphiles qui se succèdent. C'est quand même que sans le cinéma américain, cette cinéphilie n'existe pas. Ou alors, elle pourrait exister, évidemment, autour de cinéastes français ou du monde entier, puisqu'à partir d'un moment, il y a quand même, le cinéma devient mondial, disons dans les années 60, avec les nouveaux cinémas et ainsi de suite. Mais que quand même, le rapport au cinéma américain, il me semble, est toujours central dans la manière dont on peut aimer ou enfin dont on se positionne en tant que cinéphile, me semble-t-il, que ce soit pour en dire du bien ou du mal, ou en tout cas pour choisir à l'intérieur de cette industrie complexe et qui a eu des périodes très différentes, mais que c'est quand même voilà quelque chose qui finit toujours par être une question pour la cinéphilie quelle qu'elle soit. Bon, par ailleurs, j'ai quelqu'un comme Skorycki, que vous avez cité, qui est mon cinéphile tardif, enfin, plus jeune que cette génération-là. Je crois qu'il n'a eu de cesse depuis, dans ses chroniques diverses et variées, de réhabiliter du vivier par rapport à Renoir. Il y a des différences. Cette cinéphilie de l'époque glorieuse des cahiers du cinéma, c'est un territoire, une géographie, la cinémathèque, quelques salles dans Paris, des cafés où on se retrouve pour parler des films. Est-ce une histoire avant tout parisienne ? J'ai l'impression, c'est une histoire urbaine de toute façon, ça peut être une histoire urbaine. Pas complètement. Rivette était de Rouen, il est monté à Paris, mais enfin, il y avait un côté Rastignac, de toute façon, Paris... Paris était le centre, et voilà. C'est quand même Paris nous appartient, le titre du premier film de Rivette. Oui, oui, oui, oui. Mais la conclusion, c'est que Paris n'appartient à personne. Non, moi, il me semble quand même que oui, si ça n'aurait pu se faire qu'à Paris, parce que quand même, il y avait cette géographie que vous décrivez, mais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de salles de différentes sortes qui montraient des films qu'on voyait pas forcément ailleurs. Après, il y a des cinéphiles qui sont allés en Belgique en quête de films rares, de cinéastes comme Tourneur. La Cinémathèque de Bruxelles. Voilà, disons dans une vague suivante où effectivement, il s'agissait d'aller réhabiliter des petits maîtres qui se sont avérés pour certains des grands maîtres, parce qu'on pourrait dire que Jacques Tourneur n'a pas été vraiment vu en les années 50, mais plutôt un peu après, et qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que... Enfin, on est d'accord avec Pascal, c'est un très grand cinéaste. Donc il y a eu... Mais ça, c'était dans un deuxième temps, mais je pense que Paris a cristallisé quelque chose d'unique, et ça reste quand même la ville, aujourd'hui encore, où on peut voir le plus de films, le plus de genres de films, le plus de... Enfin, où l'offre, si on peut employer ce mot, est la plus large, quoi. Et si cette pathologie cinéphilique n'était que la création d'un seul homme, un démiurge un peu fou, Henri Langlois ? Vous avez dit pathologie cinéphilique, oui. Il faudrait peut-être reprendre un petit peu quand même. Non, la cinéphilie poussée à son extrême. La cinéphilie, comme passion ou comme maladie, si vous voulez, effectivement, n'aurait pas été ce qu'elle était sans Langlois, ça c'est certain. Et le tribut que tous les gens de la Nouvelle Vague doivent à Langlois était largement commenté. Bien sûr, bien sûr. Mais il n'y avait pas que la Cinémathèque. La Cinémathèque avait une importance considérable parce que effectivement Langlois en était là, mais sa programmation suscitait des passions. Mais par ailleurs, ce qu'on appelait les cinémas d'art et d'essai, il y a aujourd'hui des salles qui sont classées d'art et d'essai, ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Les cinémas d'art et d'essai étaient aussi comme une sorte de prolongement de la cinémathèque, il y en avait pas mal dans Paris, et passaient des classiques, du cinéma, notamment du cinéma américain, mais pas toujours. Il y a des, moi je sais qu'une grande partie de ma culture cinématographique s'est constituée dans les cinémas qui s'appelaient le Passy, qui s'appelaient le Ranelagh, donc, qui étaient les cinémas du 16e arrondissement, qui passaient un film classique, de l'époque classique, chaque semaine. Le programme changeait chaque semaine, et ça a été pour moi totalement formateur. Peut-être, personnellement, plus encore que la cinémathèque. Je trouve que ce qui est assez beau avec le recul sur cette période-là, mais peut-être ça pourrait être vrai après aussi, c'est que comment dire, l'histoire du cinéma est une matière vivante. Pour Langlois, évidemment, puisqu'il montre les films, mais supposément sans hiérarchie, quoique, bon, ça, il faudrait en discuter. Mais enfin, en tout cas, il y a l'idée de montrer que c'est ça, un acte fondamental, et que du coup, ceux qui voient les films les reçoivent aussi avec cette... porté par ce désir de Langlois, et il y a l'idée voilà que peut-être tous ces jeunes cinéphiles de l'époque découvrent toute l'histoire du cinéma un peu en vrac en bloc après guerre, que c'est une matière totalement vivante, que le muet n'est pas mort, même s'il est de fait mort parce qu'on fait plus de films muets ou quasiment plus, mais c'est quand il y a quelque chose brûle encore chez Murnau par exemple, ou Romer je pense, et c'est quelque chose je trouve de très fort. C'est pour moi c'est peut-être la plus belle leçon qu'on peut recevoir de cette période-là, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et je me pose souvent la question, moi, quand je vois un film ancien, ce qui m'arrive assez régulièrement, de me dire, alors finalement, comment je le vois ce film? Est-ce que c'est une vieillerie que j'ai envie de, voilà, que je regarde parce que c'est une vieillerie ou, je sais pas, une antiquité, on pourrait dire, ou quelque chose? Ou alors est-ce que c'est encore quelque chose palpite encore dans ces films? Et c'est, pour moi, c'est, enfin, ça, c'est, cette question, elle vient de cette période-là, et je trouve c'est, moi qui essaye d'avoir un rapport, disons, au cinéma, à l'histoire du cinéma au le plus vivant possible, c'est une... Enfin oui, je répète, c'est peut-être une sorte de leçon qu'on peut recevoir à travers les décennies, quoi. Comment expliquer que la cinéphilie soit plutôt une histoire d'homme ou plutôt même une histoire de garçon? C'est une époque aussi, la cinéphilie surgit dans une époque, les années 50, 60, où les femmes n'ont pas le... Comment dire, l'autorité, l'indépendance qu'elles ont aujourd'hui. Non pas qu'il y ait eu des... Il y a eu des cinéphiles femmes, il y a eu des femmes au cahier, il y a même eu... La femme de stage, par exemple, a fait office de secrétaire au cahier, mais voilà, ça dit tout. Il y a eu Lady Mayas, qui a été l'assistante de Rivette pendant longtemps, qui était aussi... qui avait un rôle important au cahier. Mais... des critiques, finalement, la première critique féminine dont je peux me souvenir, c'est Sylvie Pierre. C'est une période relativement tardive, à la fin des années 60, au début des années 70. C'est comme ça. Ça s'est un peu changé avec le temps quand même, parce que à partir des années c'est plus maintenant comme 90, ça, ouais. On va dire pour aller vite, voire peut-être un peu avant, ça s'est un peu féminisé, notamment les cahiers. Et je dois dire que j'y ai été un tout petit peu pour quelque chose à l'époque. Mais oui, non, je j'ai pas non plus d'explication à part une sociologie un peu typique de la période. C'est se lancer dans des spéculations, on va dire un peu, comment dire, oiseuses, de penser qu'il y a un désir d'accumulation plus grand chez les hommes que chez les femmes, donc d'accumuler les films est une passion qui pourrait être plus masculine que féminine, et de se souvenir des noms, la mémoire, tout ça, bon, je sais pas, c'est difficile d'en tirer une théorie, en tout cas. Il y avait aussi très peu de cinéastes femmes, hein, à part Ida Lupino, Agnès Varda. Agnès Varda, qui, effectivement, est arrivée, disons, au tournant des années 60. Il y en avait très très peu. Il y en a maintenant beaucoup plus, et même un nombre... Surtout en France, oui. Assez considérable, surtout en France. Bien sûr, dans cette bande de cinéphiles, on a aujourd'hui envie de s'attarder un peu plus sur le nom de Jacques Rivette. Quel est le parcours qui amène Jacques Rivette à Paris, à la critique et au cahier du cinéma, Pascal Bonitzer? Mais vous savez, moi j'ai connu Jacques Rivette personnellement, mais je ne suis pas historien du parcours de Jacques Rivette. Ou alors, quelle était sa place, en tout cas. Je sais juste que c'était, en fait, d'après ce que lui-même a pu me dire, que donc sa rencontre, son coup de foudre avec le cinéma a été lié au... Et en tout cas, son désir d'en faire ça a été déterminé littéralement par le journal de la Belle et la Bête de Cocteau. Jacques était effectivement un Rastignac de Rouen qui est monté à Paris, qui a commencé à rencontrer des gens comme Godard. Alors, la Cinémathèque est effectivement un lieu de rencontre entre des jeunes gens de la même génération passionnés. Et ces jeunes gens ont commencé à, comment dire, à écrire leur passion et la façon dont ils voyaient les films grâce effectivement à des revues comme Les Cahiers qui les ont accueillis. Pas seulement, il y en avait d'autres, mais voilà, alors ça s'est passé comme ça. Donc voilà, en ce qui concerne Jacques. Et très vite, il s'est imposé, je crois, au sein des Cahiers comme une personnalité à la fois originale, tranchante, impressionnante pour les autres. Je crois que Godard disait facilement que s'il avait une opinion sur un film, et si Jacques arrivait au bureau avec l'opinion contraire, il changeait d'opinion et s'alignait sur celle de Jacques. Donc il y avait quelque chose de charismatique chez Jacques que j'ai pu éprouver moi-même quand j'ai commencé à travailler avec lui, mais que j'ai d'ailleurs connu aussi parce que quand je suis arrivé au Cahier, Jacques y était encore. Enfin, en tout cas, il y jouait un certain rôle, même s'il n'était pas organiquement. S'il n'était plus organiquement membre de la rédaction des Cahiers, il y jouait un rôle important. Et il avait il a changé d'avis souvent, hein. Il n'était pas avare de Palinodi, par ailleurs. Mais à chaque fois avec ce côté tranchant. Quels étaient ces cinéastes? Les cinéastes qu'il appréciait? Bon, évidemment, Renoir, avant tout. Il a même fait un film qui s'appelait Renoir le patron, sur le modèle de Braque le patron de Polan. Renoir, dont il a été, je vous l'ai dit, l'assistant au énième degré sur French Cancan et qu'il a vu à l'œuvre, qui suscitait une admiration très très grande pour lui. Rossellini, qu'il a connu aussi, qui ont été vraiment des figures tutélaires pour tous ces gens de la Nouvelle Vague et qu'ils ont connu personnellement. Et puis bon, par ailleurs, ben, il a fait cet article célèbre sur Hawks où il a eu cette formule l'évidence est la marque du génie de Howard Hawks, formule dont vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais enfin en tout cas qui a marqué. Il n'a pas empêché de me dire quelques années au moment où on préparait son dernier film qu'il avait revu Rio Bravo et qu'il avait trouvé ça affligeant. Mais à l'époque, c'était évidemment une référence capitale pour lui. Et puis évidemment, bon, il avait aussi ses aversions. Est-ce qu'il n'était pas moins américanophile que les autres, peut-être? Non, c'est pas ça. Je crois que il y a eu une ligne de fracture qui s'est créée au Cahier au début des années 60 entre Romer et lui. Romer, qui était agrégé de philo, professeur de littérature, qui avait une culture classique extrêmement solide, pensait le cinéma en termes de classicisme, et pour lui, il ne fallait pas déroger à une certaine vision du cinéma américain qui était dominante, et dont Hawks et Hitchcock étaient peut-être les parangons. Et au début des années 60, donc, la Nouvelle Vague, il y a les premiers films de la Nouvelle Vague. Ce qui est assez frappant et curieux, c'est que les Cahiers du cinéma, comme revue, n'ont pas été les plus grands défenseurs des premiers films de la Nouvelle Vague, de À bout de souffle, de Godard, de... Non, ça s'est pas passé comme ça. Et il y avait toute une tendance pour... au sein des Cahiers... pour mépriser un certain cinéma dit moderne. Antonioni, par exemple, était détesté par Jean Touchet, méprisé par Romer, je crois. Rivette lui a incarné une position qu'il a fini par faire triompher, qui était de dire le cinéma moderne existe, il n'est pas que américain, et il faut le défendre, l'accompagner et le prôner. Donc il représentait une tendance à la fois moderniste au sein des Cahiers et de plus également sur le plan politique plus progressiste que Romer, qui est notoirement pas de gauche. Et je pense que cette double ligne a fini par créer une fracture, puisque Romer, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, a fini par être viré. En 63. Dans une sorte de coup d'État, de putsch, fomenté par Rivette et soutenu par Truffaut et Daniol, qui étaient actionnaires principaux des Cahiers. Moi qui ai connu beaucoup, beaucoup moins Jacques Rivette que Pascal Bonitzer, je pensais une chose, et c'était plutôt une question pour Pascal d'ailleurs, peut-être autant qu'une observation, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est comment, bon, pour Rivette, qui était peut-être le plus cinéphile de ce groupe-là, puisqu'il a continué à voir beaucoup de films, me semble-t-il, toute sa vie, à en parler, à avoir des opinions et des réflexions sur les films qu'il exprimait parfois dans des entretiens, mais j'imagine beaucoup en privé, donc qui n'a jamais rompu ce lien, alors que Godard, par exemple, me semble voir beaucoup moins de films, même s'il en voit aussi, mais enfin, il a un rapport, des bouches, voilà, c'est mon côté fragment, c'était de savoir si finalement cette cinéphilie filles-là sur laquelle on peut revenir parfois en disant ah oui, on peut très bien imaginer que des films qui ont été admirés 40 ans plus tard sont moins admirés. Bon, mais par exemple, j'avais été frappé, il me semble-t-il, dans le Jeanne d'Arc de Rivette que tu as coécrit. Jeanne Lapucelle, que la référence. Parmi les Jeanne d'Arc, peut-être je me trompe, ça c'était plutôt celle de Preminger, donc le Sainte-Jeanne, qui me semble-t-il est un film qui avait eu un certain rôle puisque c'est peut-être c'est pas à cause de ce film-là que Godard a pris Gene Seberg, plutôt à cause de Bonjour Tristesse, mais enfin quand même, et que Rivette, je crois, admirait beaucoup, donc j'étais surtout curieux de voir si finalement il y avait une espèce de chose qui s'était poursuivie quand même des décennies plus tard. Oui, alors là, je crois que Jacques a aussi beaucoup changé, parce qu'effectivement, il avait fait un article pour défendre Mordicus, la Jeanne d'Arc de Preminger, contre celle de Bresson, je crois, à l'époque, mais au moment où on a commencé à travailler sur Jeanne Lapucelle, la référence, c'était la Jeanne de Bresson. C'était... Donc, encore une palinodie. Peut-être qu'on peut rappeler dans quelles circonstances Jacques Rivette est devenu rédacteur en chef des Cahiers par rapport à la crise des MacMahoniens. On vient un petit peu de le dire, non ? Pas vraiment, enfin, peut-être qu'on n'a pas assez... parler du point pas, bon. Du côté politique en tout cas voilà. entre autres choses Rivette reprochait à Romer, je crois, c'est une trop grande proximité avec la bande des MacMahoniens, qui était très souvent d'une idéologie d'extrême droite, enfin qui prônait dans le cinéma américain la virilité avec un grand V, exprimé par des acteurs comme Charlton Heston et par la vaste poitrine de Charlton Heston, ça agaçait beaucoup Rivette, qui lui n'avait pas une vaste poitrine, et je pense que ça a été effectivement un des éléments déterminants, c'est-à-dire le fait que Romer se rigidifiait dans une certaine ligne, avec une proximité avec les MacMahoniens et leur idéologie d'extrême droite que des gens comme Jacques ne pouvaient pas supporter, enfin littéralement. Et ce contexte de la guerre d'Algérie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et dans le contexte de la guerre d'Algérie, effectivement, ça c'était, puisque, enfin, en même temps, quand le putsch a éclaté, la guerre d'Algérie était finie. Hein. C'était en 63. Quand Romer s'est fait virer des Cahiers, c'était en 63. La guerre d'Algérie a fini en 62. Mais enfin, ça a dû... Rivette avait écrit un papier sur le film de Panigel qu'il considérait comme une déclaration politique, octobre à Paris. Oui. C'est certainement, Romer n'était pas du tout de ce bord-là, évidemment. Par ailleurs, on sait que... On a beaucoup reproché à la Nouvelle Vague de ne pas avoir suffisamment pris en compte la guerre d'Algérie dans leurs films. Enfin, ça, c'est une polémique moi que je trouve sans intérêt. Ce qui est en plus pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même Adieu Philippines qui, malgré oui, tout... Oui, Adieu Philippines, c'est un film... C'est pas exactement... Enfin, Rosier arrive à la juste après la Nouvelle Vague. Adieu Philippines est un film qui parle de la guerre d'Algérie, comme d'ailleurs, si on veut, Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. On parle à la marge, c'est-à-dire c'est on ne parle pas de la guerre d'Algérie, on parle de quelqu'un qui va partir pour l'Algérie et qui va peut-être y mourir. On peut ajouter, même si c'est pas des films de la Nouvelle Vague au sens strict du terme, comme Les Parapluies de Cherbourg ou quand même... Oui, Les Parapluies de Cherbourg, c'est pareil. Ou Muriel de René. C'est pareil. Muriel en parle de façon plus frontale, si on veut, parce que Muriel parle de la torture. Mais sinon, aussi bien le film de Jacques Demy que Adieu Philippines, que Cléo de 5 à 7, parle de jeunes gens qui sont appelés sous les drapeaux et qui vont devoir aller en Algérie et qui vont peut-être y mourir. C'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de position militante. On n'est pas en Algérie, on n'est pas, il n'y a aucune. Mais voilà, c'est comme ça. Et les films, je veux dire, on revoit quand même avec plus de profit Les Parapluies de Cherbourg ou Claude 5 et 7 que Avoir 20 ans dans les Aurès, qui est certainement un bon film. Et qui a été fait beaucoup plus tard aussi, dans les années 70, donc de toute façon... Oui. Et donc, quand Rivette est à la tête des cahiers, la revue s'ouvre aussi à d'autres arts, d'autres disciplines, la philosophie, les sciences... Oui, c'est ça. Alors, en fait, Rivette a défendu une ligne moderniste qui demandait aux cahiers de s'ouvrir à toutes ces disciplines qui étaient également en train d'exploser, parce que les années 60 ont été une période tout de même intellectuellement extrêmement féconde, extrêmement riche, et avec des grands penseurs, des théoriciens, et donc ce qu'il a fait, c'est effectivement, je crois que l'une des premières choses qu'il a, par exemple, initié, ça a été une rencontre avec Roland Barthes, qui avait écrit à l'époque... Le degré zéro de l'écriture, les mythologies et sur Racine. Donc se confronter au structuralisme, c'était aussi effectivement une chose très très très nouvelle, enfin, et également une sorte de bifurcation, en tout cas par rapport à tout le corpus doctrinal des premiers cahiers, qui était l'existentialisme, le bon, c'était évidemment aussi une autre époque. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça préfigure quand même un compagnonnage qui aura ensuite, et là je pense que Pascal pourra en parler beaucoup mieux que moi, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Entre les cahiers et à un moment Foucault, à un moment Barthes, quand même publie son dernier livre, La Chambre, au cahier du cinéma, Deleuze, enfin bon, qui va être quand même plus tard, là dans les années 70, voire 80, mais ça, c'est déjà un peu en germe dans cette première approche. C'est ça, c'est en fait c'est un prolongement de ce que Rivette avait initié, c'est-à-dire bon, effectivement avec un danger qui est une dérive dans un intellectualisme pur et dur qui pouvait, disons, éloigner les cahiers de la pratique du cinéma vers une réflexion d'un théoricisme qui pouvait être stérilisant. Mais ça, c'est on en parlera plus tard parce qu'effectivement, ça a été une des aventures ou des mésaventures des cahiers futurs. Et peut-être une limite aussi, puisque tu parlais de Barthes, mais ils sont allés voir aussi à l'époque Boulez ou Lévi-Strauss, et avec la limite que Boulez et Lévi-Strauss, au fond, ont un lien très très ténu au cahier, au cinéma. Et que du coup ça produit pas forcément, enfin pour avoir moi-même tenté l'expérience beaucoup plus tard avec Derrida, et finalement s'apercevoir que Derrida n'avait pas un rapport très fort au cinéma... Ils n'y connaissaient rien, ces gens n'y connaissaient rien, ça les intéressait pas beaucoup, et voilà, bon, c'était pas le cas de Deleuze qui avait une connaissance ni même de Barthes d'ailleurs profonde, ni Barthes qui avait un rapport moins exhaustif que Deleuze au cinéma, moins cinéphilique au sens classique, disons, que Deleuze, mais qui avait une très bonne connaissance du cinéma et l'appréciait à certains égards. Mais évidemment, c'était pas le cas de tout le monde. Si on allait voir Lévi-Strauss, il avait peut-être vu 3 films dans sa vie, et Boulez, je sais même pas si on avait vu un. Donc c'était un petit peu stérile. Fin 64, les cahiers changent de formule et de couleur. Philippe Aki devient actionnaire majoritaire. C'est la fin des fameux cahiers jaunes. Si on devait retenir quelques articles, quelques textes qui ont traversé les années, ce seraient lesquels ? Moi, je les ai surtout lus dans des recueils de textes. Et après, j'ai réussi à acheter une collection des cahiers à quelqu'un. Donc, j'ai tous les cahiers jaunes et cahiers Philippe Aki chez moi. Mais je les ai plutôt lus avant. Donc moi, je retiendrai des textes de Truffaut, mais qui sont pas forcément des textes. Je sais plus s'ils sont parus dans les cahiers ou pas, parce qu'après, il y avait aussi Art, qui était quand même une tribune importante. Truffaut a publié aussi parfois des textes plus tard. Et puis, il y a des textes de Godard qui, même s'ils sont disons des textes un peu où il y a c'est pas la rigueur critique qui étouffe Godard, mais je me rappelle d'un texte qui s'appelle Bergmanorama par exemple autour de Bergman, parce que Bergman par exemple on en a pas parlé, mais un cinéaste qui a joué quand même un rôle hyper important aussi en dehors des films américains et français dans les années 50, donc c'est ce qui me revient comme il faut pas oublier que dans les 400 coups on voit le jeune Doinel voler une photo de Monica, film de Bergman, dans un cinéma, décroché. Une photo de Monica qui est effectivement d'un érotisme qui m'a moi-même bouleversé au même âge. D'ailleurs, je dois dire, j'aurais pu faire la même chose. Peut-être la lettre sur Rossellini de Rivette aussi, ça me semble un texte assez fondamental. Par exemple, je pense qu'il doit y avoir des textes de Bazin, mais honnêtement, je ne me souviens pas d'un texte en particulier. C'était quoi la question ? Pascal Bonizère, quel texte retiendriez-vous de cette période des cahiers jaunes ? Il y a l'article de Bazin célèbre « Montage interdit ». Je ne sais pas si c'était dans les cahiers d'ailleurs, mais je crois que c'est toujours la difficulté de savoir. Il ouais. Y a évidemment l'article de Truffaut, une certaine tendance du cinéma français. Il y a l'article fameux de Rivette sur le travelling de Capot. De l'abjection. De l'abjection, qui est un texte dont on sait quelle importance il a eu pour beaucoup et en particulier pour Serge Danet. Ça a été révélé 30 ans plus tard, disons, on va dire. Parce que, on n'en avait pas moins entendu parler à une période. Il a fait que Danet en reparle pour que ça devienne central. Oui, oui. Mais enfin, c'est un texte fort. Et puis, il y a eu des textes de Romère. Le celluloïde et le marbre est un texte de Romère très très important quand même. Mais ce que je trouve intéressant dans cette période, et on pourrait presque dire que les textes les plus, enfin pour moi qui me séduisent le plus a posteriori, c'est presque autant des textes mineurs, enfin en tout cas des textes de critique de films. Il y a les textes de Moulet aussi. Je pense que tous les textes de Moulet sont à relire, ils sont toujours étonnants. Mais les critiques de films qui sont plus difficiles à retenir parce qu'il y en a beaucoup et que voilà, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se sont exprimées parfois sur des films dont on a presque un peu oublié. Je pense à Frank Tashlin par exemple, qui est un cinéaste extrêmement central aujourd'hui, qui a quand même joué un rôle pour Romère, dont je me souviens d'ailleurs qu'il m'avait dit que qu'il comprenait plus très bien 30 ans plus tard pourquoi il avait été défendu vraiment Tashlin, mais en même temps moi je trouve que la saveur des cahiers de l'époque, elle peut pas se traduire uniquement à travers 3-4 textes fondateurs, mais c'est tout un ensemble de choses qui est très vivant et très agréable aussi à relire aujourd'hui, ce qui est peut-être pas forcément le cas de tous les textes critiques de l'histoire de la critique. Le programme de cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers se termine avec Jacques Rivette parlant de la religieuse depuis le Festival de Cannes en 1966. Deux ans à faire Langlois et mai 68, l'aberrante interdiction de la religieuse est déjà un fait important par rapport à ce qui va arriver par la suite au cahier, dans le cinéma et bien au-delà du cinéma. Est-ce que cette interdiction n'apparaissait pas déjà à ce moment-là comme d'un autre temps, Pascal Bonizère ? C'est-à-dire, faut pas oublier que Sade a été interdit jusque dans les années 70, je crois. On ne publiait pas Sade avant qu'il soit... l'éditeur Pauvert a eu affaire à la censure. C'était une époque, il faut pas oublier, c'était l'époque gaulliste. C'était une époque de censure importante. Et on ne touchait pas à la religion. On ne touchait pas à la religion catholique en particulier. Donc c'était tout à fait dans l'esprit de la politique dominante, enfin disons en tout cas du gaullisme, d'interdire. Alors évidemment, de la même façon que Saad a été publié peu après que Pauvert a finalement réussi à déjouer les interdictions, on sentait que c'était la fin d'une époque. C'était le, la fin du pouvoir gaulliste. En réalité, la censure vivait là, c'est, enfin, jetait là ses derniers feux et brûlait ses dernières cartouches. On était dans une époque qui allait, dont mai 68 allait vraiment faire exploser complètement le carcan. C'était la fin d'une époque. Mais bon, c'était encore comme ça. Il me semble que ça préfigure, et notamment à travers un texte de Godard qui s'adresse à Malraux, ça préfigure une rupture avec Malraux, qui était pour Godard, Rivette, je ne sais pas, mais une figure centrale quand même de la vie intellectuelle, un écrivain, voilà, quelqu'un qui avait quand même eu un rôle important, bon, qui avait marqué cette génération-là, je pense. Et c'est quand même une rupture qui ensuite va se produire, enfin va se radicaliser avec l'affaire Langlois juste avant mai 68, en février 68, puis au suite il y aura mai 68 derrière, où là, bon, évidemment c'est la rupture définitive, on pourrait dire, avec le gaullisme, mais ça, c'est, enfin, il me semble que c'est ça qui est important dans le, au-delà de l'anecdote, on pourrait dire, qui aujourd'hui, bon, est un moment d'histoire de la vie culturelle française, mais enfin voilà, mais il y a ça, c'est ça qui est en jeu, et ça se traduit vraiment dans la lettre, je trouve, de Godard à Malraux, où voilà, et on sent la déception et la colère, effectivement, et la rupture, voilà, qui s'annonce. C'est pas la seule censure, hein. Il faut pas oublier que, bon, outre le fait que Le Petit Soldat avait été interdit, là, radicalement, parce que ça parlait justement directement de la guerre d'Algérie, on a oublié de le dire, mais quand même, le seul film qui parle frontalement de la guerre d'Algérie, c'est Le Petit Soldat. Sur un mode qui n'est pas totalement, disons, le mode attendu, ouais, c'est-à-dire... Peu importe, voilà. Il en parle. Absolument. Justement, Godard a été censuré aussi pour avoir fait un film qui s'appelait La femme infidèle. La femme mariée, pardon. On a interdit que ce titre, parce que ça dépeint une femme adultère, que ce film puisse s'appeler La femme mariée. On lui a demandé qu'il s'appelle Une femme mariée. Donc, c'est dire quand même que, et il faut pas oublier non plus que les premiers films de la Nouvelle Vague étaient considérés comme très choquants par une partie du public normal, choquant sur les mœurs, sur la façon dont ils montraient des jeunes gens libres qui pouvaient s'embrasser et faire l'amour. C'était quelque chose qui n'était pas du tout totalement admis encore. Donc l'interdiction de Rivette était relativement logique à cette époque, disons, où les mœurs dominantes étaient celles-là. Thierry Jousse, Pascal Bonitzer, merci. Nous retrouverons dans un peu moins de 3 heures, juste avant la fin de cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers. D'ici là, nous aurons écouté Le Masque et la Plume Cinéma avec Claude Chabrol pour son film Le Beau Serge par Michel Pollack en 1959. Le 16e des entretiens avec Alfred Hitchcock par François Truffaut en 1962. Puis Ostiomkine, le 4e volet de cinéaste et musicien par Noël Simsolo pour Euphonia en 1989, un extrait de l'interview de Jean Rouch à propos de son film Les Maîtres Fous en 1957, Jean-Luc Godard, Où en est le cinéma, au micro de Jacques Florent dans Comme il vous plaira en 66, et pour finir, entretien avec Jacques Rivette en 66. La première nuit spéciale Cinéma des Cahiers se poursuit sur France Culture en votre compagnie, Pascal Bonitzer et Thierry Jousse.